Bouillane. Allô ? Allô ? Oui ? Bonjour. Oui, bonjour. En fait, je suis perdue, là. Je sais pas le chemin, je trouve pas le chemin pour... Je cherche Bouillane, mais je sais pas où c'est, en fait. Ah, Bouillane. Alors. Latitude 80 degrés, 9 minutes, 10 secondes, nord, et longitude 92 degrés, 7 minutes, 20 secondes, est. C'est dans l'archipel ouest de la Terre du Nord, effectivement. Doucement, tu te réveilles dans une forêt. Le soleil est au zénith. Tu sens sa chaleur se propager dans ton corps engourdi. Tu as dormi longtemps sous le même arbre. Lentement, tu te lèves. Respire profondément par le ventre. Tu inspires et tu expires. Tu inspires plus profondément et tu expires. Tu inspires plus profondément encore et tu expires. Alors par contre, il y a beaucoup de légendes, de textes, des textes folkloriques sur enfin une île Bouillane qui d'ailleurs a d'autres noms. Pour certains, elle se trouverait sur la mer Baltique. En tout cas, il y a des données comme quoi c'est une île qui se trouve actuellement en Allemagne et qui s'appelle Rügen. Il y a aussi celle mentionnée dans le conte de Pouchkine, le conte du tsar Satan. Alors peut-être bien qu'elle se trouve dans la mer Noire. Une sorte d'île turque ou géorgienne. Lève les bras vers le ciel. Relâche bien tes épaules. Tu te libères de toute tension. Le bout de tes doigts touche les nuages. Tu te grandis. Baisse tes bras. Ça y est, tu es prêt à partir. Maintenant, tu commences à marcher. Tu prends le chemin qui s'enfonce dans le labyrinthe de la forêt. Tu marches. Peu à peu, le ciel disparaît. Les arbres sont très hauts. Tu marches. Et soudain, entre deux arbres, tu vois au loin le sommet d'une montagne. À partir de maintenant, ce sommet est ton but. Tu dois y parvenir. Tu marches. Tu sens la pente ? Elle se forme sous tes pieds. C'est elle qui te mènera vers le sommet. Marche. Regarde au sol. Un petit tas de pierres. Une petite montagne. Un cairn. Passe ta main gauche sur la plus plate des pierres apparentes. Parfait. Maintenant, regarde dans la direction du bout de tes doigts. Il t'indique ton chemin. Celui que tu dois suivre. Trouve une pierre. Ajoute-la au cairn. Bien. Reprends ta marche. Ton corps s'est à présent bien réveillé. Tu marches d'une bonne allure. Soudain, tu te retrouves face à un ruisseau. Que faire ? Enlève tes chaussures et traverse le ruisseau. Glisse tes pieds dans l'eau. Un par un. L'eau est très fraîche. Tu sens ce frisson ? Il remonte tout le long de ton corps. Latitude 80 degrés, 9 minutes, 10 secondes, nord, et longitude 92 degrés, 7 minutes, 20 secondes, est. Allez, remets tes chaussures et reprends ton ascension. Tu entends ce bruit ? Suis-le. Désormais, ce bruit sera ton guide. Un autre cairn. Cette fois, c'est un tas de petits glaçons. Ne t'y attarde pas. Ne perds pas le bruit. Cours. Attention, ne dérape pas sur la glace. Accroche-toi coûte que coûte à ton but. Le sommet n'est plus très loin. Il se rapproche. Mais la pente est de plus en plus raide. Tu ne peux plus courir. À présent, pose les mains au sol. La paroi est glacée. Mais il faut avancer. D'abord, la main gauche, sur la prise la plus apparente. Puis la main droite. Pied gauche. Maintenant, pied droit. Recommence. Ne t'arrête pas. Continue. Là, regarde, une prise, à gauche. Une autre à droite. Juste au-dessus de ton oreille. Allez, grimpe. Plus haut, hisse-toi, tu y es presque. Gauche, droite, droite. Tu effectues le dernier mouvement pour atteindre le sommet. Allez, viens avec moi. S'il te plaît, lâche la tête. Lâche ce que tu crois savoir de ce qui est possible ou pas. Tu es prêt? Disposé à partir? Confortablement installé? Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Ça y est. Tu peux te redresser. Si, tu peux. Tes pieds sont en équilibre sur le pic. Tu te redresses. Tu es au sommet. Le sommet. Respire. Regarde autour de toi. Devant toi. Derrière toi. À ta gauche. À ta droite. Tout autour de toi. Oui, elle est là. Tu es sur l'île Bouyan. Tu es l'île Bouyan. Le parcours est terminé. Avez-vous eu mal aux pieds? Un peu? Beaucoup? Terriblement? Absolument pas. Les feuilles des arbres étaient-elles vertes? Un peu? Beaucoup? Énormément? Pas du tout. Avez-vous vraiment posé votre pierre sur le premier cairn? Évidemment. Oui. Non. Je ne me souviens plus. Voudriez-vous inviter un ami à voyager vers l'île Bouyan avec vous? Jamais. Je ne préférerais pas. Pourquoi pas? Oh oui. Étiez-vous essoufflé lorsque vous couriez? Pas trop. Un petit peu. Terriblement. Étiez-vous un homme ou une femme? Un homme? Une femme? Un mélange des deux? Autre chose. Envisageriez-vous de vous installer sur l'île Bouyan? Demain? Pourquoi pas? Si j'arrive à me libérer? Jamais. Trouvez-vous que l'île Bouyan est belle? Oui. Non. Très. Pas du tout. Pourriez-vous dire que l'île Bouyan existe? Je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non, je crois.